L'occasion de cette conférence-là, de cette journée aujourd'hui, pour orienter notre façon de voir les choses dans notre vie. Les hommes ont naturellement tendance à fonctionner d'une façon logique. La logique, pour nous autres, c'est logique. Mais la logique, ce n'est pas nécessairement créatif. La logique, ce n'est pas nécessairement intelligent. Ça a simplement un sens ou ça peut sembler avoir du sens. Et il nous est donné dans la vie des problèmes qu'on essaie de résoudre logiquement. Et quand on essaie de résoudre nos problèmes logiquement, au lieu de nous libérer de nos problèmes, souvent on s'en crée d'autres. Les problèmes établissent des liens invisibles avec l'homme. C'est-à-dire que les problèmes nous créent des tensions émotionnelles et mentales. Et lorsque l'homme a ou vit des problèmes, il a tendance naturellement à les résoudre, ces problèmes-là, d'une certaine façon, qui va éventuellement lui engendrer d'autres problèmes, parce qu'un problème, c'est une condition planétaire qui engendre une autre condition planétaire. Un problème engendre toujours un problème. Et la solution d'un problème engendre toujours un autre problème qui, éventuellement, est résolu pour engendrer un autre problème. On n'est pas capable, nous autres, les hommes, de tuer la vibration, de détruire la vibration d'un problème et de nous libérer vibratoirement du problème. On se libère psychologiquement du problème, mais on ne pense jamais à se libérer vibratoirement du problème. Alors, la logique, c'est le mécanisme inférieur de notre intelligence qui nous permet ou qui nous donne l'impression qu'on peut résoudre un problème. Et ça, ça ne vaut absolument rien. Un homme dans la vie doit être libre vibratoirement d'un problème, jamais libre psychologiquement d'un problème. Est-ce que ceux qui sont de plus en plus, ou ceux qui sont le plus affectés par des problèmes, et ceux qui sont capables de voir la relation entre les problèmes et les forces de vie, devront éventuellement réaliser que ce n'est pas la résolution psychologique de leurs problèmes qu'ils doivent faire. C'est l'élimination vibratoire de leurs problèmes. Quand on élimine un problème vibratoirement, on brise la chaîne de ce problème-là avec nous autres, quelles que soient les conditions ou les retombées sociales de cette action-là. Je vous donne un exemple. On va prendre le domaine d'un homme qui est dans le commerce, qui est en affaires, qui a des dettes. Le commerce ne marche pas. Le bonhomme, il fait tout ce qu'il peut pour faire marcher le commerce. Puis éventuellement, il perd de l'énergie, il n'est plus capable de faire marcher le commerce. S'il sensibilise trop à son énergie, éventuellement, il n'a plus la force de faire marcher le commerce. Mais là, il est pris à la gorge. En étant pris à la gorge, il va essayer, par la logique, de résoudre le problème. Mais, il n'essaiera pas de tuer le problème. Il n'essaiera pas de briser complètement la vibration entre le statu quo que crée le problème dans sa vie et lui-même. Et c'est ça la différence entre les Juifs et les Canadiens français. Un Juif qui est en affaires et ça ne marche pas, sa bébelle, il va aller en faillite. Il va te créer une faillite maudite. Puis ensuite, il va recommencer encore. Lui, le Canadien français, il va aller voir la belle-mère. Il va dire à la belle-mère, tu me prêterais-tu 5 000 $? Ensuite, il va aller voir son ami. Puis ensuite, il va aller voir un autre. Puis la première chose, c'est qu'il y a le problème. Il a résolu le problème. Mais là, il est pogné avec la belle-mère, puis l'autre. Puis ça n'arrête pas. C'est une chaîne. Le juif, lui, il va mettre sa business à terre. Il va se mettre complètement en faillite, puis il va recommencer. Pourquoi est-ce qu'il va commencer? Parce qu'il y a tous les contacts. Il y a l'esprit, il y a l'expérience. Puis il va recommencer. Après, tu sais, 2 ans après, le juif, il recommence encore. Puis si ça va mal, un autre faillite. Puis il y a des juifs qui ont fait 5, 6, 7 faillites. Puis après un certain temps, ils sont rendus tellement bons à la faillite que là, ils ont appris les mécanismes de la faillite. Puis éventuellement, tu vois que le bonhomme, il est millionnaire. Il fonctionne. Mais avant d'être millionnaire, il a appris le jeu de la faillite. Puis nous autres, les Canadiens français, on n'a pas appris ça. Parce qu'on a peur de ça, la faillite. Socialement, c'est pas bon. La belle-mère n'aime pas ça. C'est pas moral. Il y a toutes sortes de. Puis c'est les juifs qui ont institué dans le monde occidental l'économie, les lois de l'économie, puis les lois de faillite. L'affaire de la faillite, l'affaire des prêts d'argent, puis toute l'usurie, ça vient toute de la juiverie. Ils ont une intelligence que nous autres, on n'a pas. On ne réalise pas, nous autres, l'importance quand on a un problème financier. Je parle du problème financier, je veux parler aux autres problèmes, on va tourner autour du problème financier. On ne réalise pas que l'importance quand on a un problème, c'est de détruire la vibration, de tuer la vibration de ce problème-là. Et s'il y a quelque chose qui tue une business, ça faillite. Je ne veux pas dire qu'il faut que vous fassiez toute faillite. Je veux dire qu'il y a des moyens dans la vie de tuer une vibration liée à un problème. Au lieu de développer, de se créer des portes de sortie, par la logique, et de continuer le problème, mais à une autre échelle. Mais pour agir vibratoirement dans la vie, devant des problèmes comme ça, en contradistinction avec l'action logique, il faut être quasiment poussé au bout du mur. Si t'es pas poussé au bout du mur, tu vas toujours chercher dans ta sacoche de la logique. Si t'es au bout du mur, là, t'es tellement épuisé, t'es tellement écœuré, t'es plus capable. Un jour, ton avocat ou ton comptable vient te voir et te dit « Jean-Paul, mets donc ta patente à terre. » Là, t'es fatigué, t'es mort. Là, t'as mal à terre. T'as mal à terre quasiment par résignation. Puis après ça, tu réalises, la vie continue, puis tu remontes. Mais ça prend, on dirait que ça prend l'expérience d'être poussé au bout du mur pour en arriver à fonctionner vibratoirement. Puis les gens qui se conscientisent doivent apprendre à agir avant la fin du siècle. C'est avant la fin d'une situation. Les gens devraient être capables d'agir vibratoirement avant que l'abcès pète. Si les gens faisaient ça, souvent, ils se sortiraient de leur problème avant le temps. Ils détruiraient le problème avant le temps, puis souvent, même dans une faillite, ils pourraient se faire des cendres on the side. Mais non. On attend la dernière minute, puis on s'en trouve parce qu'on est vrai. Mais c'est pas nous autres qui est vrai, c'est eux autres qui sont vrais. Là, eux autres, ils vont dire, « Ouais, Jean-Paul, tu devras faire ça. » Puis toi, t'es croué. Tu fais ça. Puis tu vois des possibilités parce qu'ils te montrent des possibilités. Mais si tu regardes dans le fond des possibilités qu'ils te montrent, tu t'aperçois que c'est pas ça. Ça accroche, il y a des interférences. Le gars est à ce point de prêter 1 000 $, il est parti en vacances en Floride. T'sais. Ça accroche, il y a toujours des accroches. C'est pas clair. Puis là, t'attends un autre 2 semaines, il va revenir de Floride. Puis quand il revient de Floride, mais là, il s'est cassé une jambe. Il y a toujours quelque chose. Puis on n'est pas capable de le voir, ça. On n'est pas capable de lire dans les événements de la vie. C'est très important pour l'homme qui se conscientise d'apprendre à résoudre ses problèmes, non pas logiquement, mais vibratoirement. D'ailleurs, tu ne peux pas résoudre tes problèmes vibratoirement avant d'avoir la vibration. Mais tu peux résoudre tes problèmes logiquement avant d'avoir la vibration. Et c'est là qu'on se fait apprendre. Il vient un moment dans la vie où, quand on a des problèmes, Il faut qu'on soit capable de se dissocier psychologiquement de nos problèmes. Et quand je dis de se dissocier psychologiquement de nos problèmes, je veux dire d'être capable de voir notre problème tel qu'il est et d'éliminer de notre tête les valeurs personnelles qu'on attache au problème. Parce que ce sont ces valeurs personnelles-là qui font qu'on le garde, le problème. Tu ne veux pas aller en faillite parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Tu ne veux pas faire ici parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Qu'est-ce qu'elle va dire la belle-mère? La belle-mère, elle va parler, puis les voisins vont parler, mais toi, tu vas te faire chier. Fait que moi, j'aime mieux pas me faire chier puis laisser parler la belle-mère. Mais ça, on ne comprend pas ça. Parce qu'on est, on est naïf. Ça fait partie de la naïveté. On s'occupe des autres. On ne s'occupe pas de nous autres. Si on s'occupait de nous autres, là, si on était totalement centrique, là, s'occuper de nous autres pour qu'on puisse libérer cette énergie-là en nous autres pour qu'on puisse devenir créatif, puis relax, puis fonctionner après. Il y a bien des actions qu'on ferait, qu'on ne fait pas, parce qu'on est logique. Parce qu'on pense en fonction de la société ou de ce que les autres pensent extérieurement. Puis ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on a des vies qui sont difficiles et pourquoi est-ce qu'on a des problèmes qui risquent de nous rendre malades. Vous autres, vous avez un certain tableau de fond pour comprendre certaines choses. Mais les hommes, l'homme social, les gens dans la société, s'ils n'ont pas l'expérience ou s'ils n'ont pas de conseils qui sont très près du réel dans leurs conditions, souvent vivent des vies extrêmement pénibles et ne savent pas résoudre. L'homme ne sait pas comment résoudre des problèmes. On ne sait pas comment résoudre nos problèmes. On n'a aucune idée. On tourne autour du pot, puis on tourne autour du pot, puis on tourne autour du pot. Puis il y en a qui tournent autour du pot pendant des années de temps, puis qui vivent de leurs problèmes pendant des années de temps. C'est atroce, ça. Un problème, ça doit se détruire. Un problème, c'est une sorte de cancer dans la vie de l'homme. Et seulement l'homme lui-même qui a ce cancer-là doit être capable de détruire ce problème-là. Il faut que ce soit totalement anéanti, un problème. Tu ne peux pas faire de la logique, puis l'étendre, puis l'étendre, puis l'étendre, puis l'étendre. Mais on dirait que les gens n'ont pas la force mentale, n'ont pas la vision suffisamment claire. On dirait qu'il y a trop de confusion dans l'esprit de l'homme pour réellement mettre la hache dans le problème. J'ai fait une conférence dernièrement dans une maison, c'est la confusion. La confusion, c'est pas la grande confusion psychologique que vous imaginez, vous autres. La confusion, c'est très, très subtil. La confusion, c'est l'impossibilité à l'homme de voir parfaitement clair dans une situation de vie. Un homme qui ne voit pas parfaitement clair d'une situation de vie, vit de la confusion. Autrement dit, il vit d'une conception de sa vie, à ce moment-là, qui n'est pas réelle. Une conception que lui essaye constamment de balancer, mais au profit de quoi? Non pas au profit de lui-même, mais au profit de certaines notions qu'il a. Des notions qui sont totalement en dehors de son esprit et qui font partie de l'intelligence inférieure. Les gens ne devraient pas en avoir de problème. L'homme ne devrait pas avoir aucun problème. Puis tu regardes les gens, tu leur dis, moi, j'ai aucun problème, ils te regardent comme si t'étais ta cave. Les gens ne devraient pas en avoir de problème. C'est pas normal d'avoir des problèmes. Mais on a des problèmes parce qu'on est anormal. On a des problèmes parce qu'on ne sait pas comment les éliminer, les problèmes. On a des problèmes parce qu'on ne sait pas comment les tuer, les problèmes. Un problème, ça ne s'assomme pas. Ça se tue. Il y a une différence entre assommer et tuer. Mais nous autres, nos problèmes, on les assomme. Puis après ça, on les dorlote, puis on met des bandages. Mais là, qu'on l'a. Un problème, ça se tue. Un problème, ça doit faire passer partie du passé de l'homme. Ça doit jamais exister dans sa vie présente. Mais pour apprendre à tuer les problèmes, il faut qu'on apprenne deux choses. Il faut qu'on apprenne à se dissocier émotivement du problème ou des valeurs attachées au problème. Ça, c'est tough. Quand tu as une business, tu travailles sur une business pendant des années de temps, tu as mis de l'effort, tu as mis de l'espoir dans ta business, puis un jour, tu es tu as l'option soit d'être ravagé par ta business ou de crisser le feu dedans. Tu sais. T'es pas capable. Parce que dans ta business, t'as ton bureau, t'as des meubles, t'as des sièges, t'as des si, t'as des portraits, t'as toutes sortes de choses qui te lient à ta business. T'as du matériel qui te lie à ta business. Alors, le gars, lui, met sa business en faillite, ça veut dire la transposer, la mettre dans les mains des étrangers sans que lui n'ait aucun retour, ça le dépasse. Parce que lui, il a la notion qu'il devrait avoir quelque chose pour sa business. Il n'y a rien à avoir pour sa business. Sa business, c'est simplement un drame dans sa vie, c'est simplement une situation dans sa vie pour qu'il apprenne quelque chose, pour que demain, il y en ait un autre business, mais qui fonctionne réellement, celle-là. C'est une game. Mais nous autres, on ne le sait pas. On ne réalise pas que c'est une game, que la business a été construite de toutes pièces pour nous jouer un cul. Fait qu'on ne veut pas perdre. On va garder. C'est comme la petite femme qui vient me voir et elle me dit, moi, j'étais allé d'un pays, puis j'étais bien spirituel dans le temps, puis j'avais, comment est-ce qu'elle m'a dit ça? J'ai adopté un petit gars. J'en ai un enfant naturel, mais je n'ai adopté un autre parce que j'étais spirituel. Fait que j'étais allé chercher un des pays pauvres, je l'ai amené chez nous. Puis là, ben, là, ce petit gars-là, là, ça marche pas chez nous. Je l'aime plus comme avant, mon mari l'aime pas comme avant, puis les deux enfants, ça donne pas ensemble. Là, t'es tout en crise. Toute la famille est en crise. C'est un problème. Fait que moi, j'ai dit, j'aime pas ça donner des conseils aux gens. Mais j'ai dit, puisque c'est une situation qui peut durer pendant des années de temps, ça, si vous résolvez pas ce problème-là, j'ai dit, moi, je vais vous dire ce que je ferais si j'étais à votre place. Si j'étais à votre place, moi, je prendrais le petit, je le ramènerais jusqu'à ce que je l'ai pris avec le papier, puis je dirais, bon, ben, je te le remets, bonhomme. Pour que toi, tu puisses le renvoyer à d'autres parents qui vont l'aimer, puis qui vont se retrouver dans un environnement comme du monde. J'ai dit, moi, je vous dis ce que je ferais, là, c'est ça que je ferais. Mais revenez pas m'en parler, du petit. Faites-le ou faites-le pas. Si vous le faites pas, vous allez partir le restant de vos jours jusqu'à temps qu'il y ait 20 ans. Puis si vous le faites, vous allez être bien prêt. Mais j'ai dit, si vous le faites, j'ai dit, quand vous l'aurez fait, quand vous aurez pris la décision, là, viendrez me revoir et m'en parler. Elle est venue 3 semaines plus tard, elle vient me revoir. Elle était souriante, le bonhomme était content, le petit à la maison était content. L'autre petit était rendu là-bas, ils l'ont retourné, puis c'est une autre famille qui l'a pris, bien content. C'est comme ça qu'on résout des problèmes. As-tu la vibration? Puis si vous apprenez pas dans la vie à tuer la vibration de vos problèmes, plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez souffrir de vos problèmes. Puis laissez-moi vous dire que plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez être sensible vibratoirement aux problèmes, bien plus que vous étiez avant. Avant, vous étiez capable de prendre des problèmes. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez être capable d'en prendre encore bien moins des problèmes. Puis il va venir un jour où vous ne pourrez plus en prendre un problème. Rien de ce qui est problème. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que tu ne peux pas vivre consciemment sur la Terre et avoir des problèmes. Fait que ce qui va se produire, c'est qu'un jour, vous allez être obligé, bon gré, mal gré, parce que vous allez attendre, vous allez faire de la logique in the meantime, vous allez apprendre, puis un jour, vous allez pousser contre le mur, puis quand vous allez pousser contre le mur, mais là, vous allez y mettre la hache dans le problème, puis à ce moment-là, bien, vous n'aurez plus de problème, puis ça vous prendra 5 ans ou 10 ans pour apprendre à résoudre des problèmes, au lieu de l'apprendre tout de suite comment résoudre des problèmes. Vous pouvez pas jouer avec vos impressions de problèmes. Tu peux pas jouer avec des impressions. Si tu joues avec des impressions, si tu joues avec des notions, si tu fais du juggling dans ta tête, tu peux en faire longtemps du juggling. Mais moi, je vous dis une chose, que si vous vous conscientisez, vous allez être obligé à un certain moment. Puis ça va être une nécessité fondamentale de votre vie. Vous ne pourrez plus avoir de problème. Vous allez souffrir tellement, même si c'est un petit problème gros de même, vous allez souffrir, comme si c'était gros comme ça. Fait qu'imaginez-vous si vous avez un gros de même, vous allez avoir le bâton à terre. Tu ne peux pas te conscientiser pour avoir des problèmes. C'est impossible. Je suis d'accord qu'il y a des problèmes qui demandent un certain temps pour être résolus. Ça, je suis d'accord. Surtout les problèmes de relations humaines. Mais, je parle pas des problèmes de relations humaines, je parle des problèmes physiques, matériels, financiers, les choses, les affaires, la matière. Ces problèmes-là doivent être éliminés et complètement tués parce que si vous les tuez pas, vous allez perdre tellement d'énergie que vous allez en arriver à un point où votre vie va être réellement malheureuse. Dans les relations humaines, dans les problèmes qui sont issus d'une relation humaine, il y a des considérations humaines à prendre. Un problème matériel d'un problème humain, un problème de relation, c'est pas pareil. Dans un problème humain, tu as du temps. Il y a des conditions de temps à prendre en jeu. À prendre à prendre en quoi? Donc, comment est-ce qu'on dit ça? En considération. Mais les problèmes matériaux, les problèmes de matière, il n'y a pas de temps. Quand tu as un problème de matière, quand tu as un problème matériel qui ternit ta vie, tu devrais être capable de l'éliminer et de prendre une décision tout de suite. Tout de suite. On the spot. La matière, la valeur matérielle, ça n'a aucune importance pour l'intelligence réelle de l'homme. Aucune. Ça a de l'importance pour l'intelligence inférieure de l'homme. Ça a de l'importance pour l'émotion de l'homme. Mais pour l'intelligence réelle, ça n'a aucune importance parce qu'un homme qui est dans son intelligence réelle, il a besoin seulement d'une chose, la paix. Quand tu as la paix, là, tu peux reconstruire après. Et comme le problème fait partie d'une programmation anyway, vous allez voir qu'après le problème, même si vous êtes obligé de vous mettre complètement à terre, à nu, matériellement, il y aura toujours une autre situation qui reviendra pour vous relever. Ça continue, c'est une continuité, la vie. Nous autres, on n'a pas la vision de ça. C'est pour ça qu'on essaie de garder nos problèmes les plus longtemps possible avec l'espoir de les résoudre. On ne peut pas vivre d'espoir dans la vie. C'est bon pour les saints, ça. Tu ne peux pas vivre d'espoir. On peut vivre d'intelligence dans la vie, puis c'est tout. Si vous vivez d'espoir, je vous assure que vous serez déçus. Je vous assure que vous serez déçus si vous vivez d'espoir dans votre vie. Puis si vous vivez d'espoir, vous ne vivrez jamais votre vie comme vous l'avez. Jamais. Vous serez toujours obligé de vous assujettir à une condition extérieure à vous-même qui ne viendra pas nécessairement dans votre temps. Ta belle-mère, tu as de l'héritage pour ta belle-mère. Elle te doit de l'argent, ta belle-mère dans l'héritage. Mais elle est forte en enfant tienne, hein, 72 ans, tu sais. Puis peut-être qu'elle va crever qu'à 90. Fait que ton espoir, il s'en passe de l'eau en dessous de la rivière 17 à 100 là. Puis il y en a du monde qui attend pour que la belle-mère meure, tu sais. La seule raison qu'ils ne donnent pas de l'arsenic, c'est parce qu'ils ont peur. C'est pas ça que je veux dire. Faut que je vous watch encore, vous autres. Vivre d'espoir, c'est un des grands malaises de l'homme. C'est une des grandes faiblesses de l'humanité, vivre d'espoir. Et c'est normal à l'homme vivre d'espoir. Et dans nos religions, on nous parle de l'espoir. L'espoir a été élevé à un statut presque religieux. Faut pas vivre d'espoir. Faut vivre d'intelligence. Quand on vit d'intelligence, ben à ce moment-là, on se crée un avenir. On voit, on sent ce qu'on peut faire. Fait que l'espoir, qui est réellement une condition psychologique, une notion psychologique de notre impossibilité, doit être élevé à un autre statut. L'espoir doit être élevé au statut de l'intelligence. Parce qu'un homme qui vit d'espoir vit sous l'influence d'une probabilité. Mais un homme qui est dans son intelligence ne vit pas sous l'influence des probabilités. Il détruit les probabilités et il crée la certitude dans sa vie. Fait que quand tu as une business qui ne marche pas, il y a une certitude liée à ta business dans ta vie. C'est que si tu vas banqueroute, tes mains libres, papa, tu peux recommencer. Mais si tu attends ta belle-mère qui va mourir pour te renflouer ta business, puis si t'attends ton beau-père, puis ton chum, puis ta belle-sœur, laissez-moi vous dire que votre problème, il va vous ronger, puis il va vous ronger. Puis le plus drôle, c'est que votre problème va vous amener au même point dans le temps. C'est que, peut-être pas aujourd'hui, mais tout à l'heure, tu seras obligé de mettre à terre ta business. Anyway, parce que les événements que tu avais préconisés sur le plan de l'espérance ne se seront pas encore réalisés. Ta belle-mère, encore, elle a trop de temps à vivre, puis ta business est rendue trop affaiblie. On a la maudite habitude, les hommes, d'espérer. Et tant qu'on espère, eux autres, en haut, nous nourrissent, puis nous nourrissent, puis nous nourrissent, puis nous en envoient de l'avoine. Puis ils nous envoient tellement d'avoine qu'éventuellement, on devient des vrais animaux. On est accroché à ça. On mange de ça, puis laisse-moi dire que dans l'avoine, il n'y en a pas gros de protéines. Il y a peut-être bien des vitamines, mais il n'y a pas grand de protéines. On est obligé, l'homme qui se conscientise est obligé de refaire instantanément, graduellement, mais instantanément, le bilan de son comportement dans la vie matérielle. Tu refais ton bilan de ta vie matérielle au fur et à mesure que tu avances pour constamment ajuster ton bilan. Puis il faut que ton bilan arrive kiff-kiff. Si ton bilan n'arrive pas kiff-kiff, tu es dans le rouge, tu es dans la subjectivité. Ton bilan, il faut qu'il arrive kiff-kiff. Puis une fois que ton bilan arrive kiff-kiff, mais là, tu commences à tomber dans le positif, tu commences à tomber dans le bleu. Mais tant que ton bilan n'arrive pas kiff-kiff, tu vis accroché à des conditions qui sont en dehors de ton contrôle. Il faut que tu amènes ta vie sous ton contrôle. Puis quand tu décides un jour, tu te lèves un matin et tu te dis, « Ouais, mais j'en ai plein le cul de ma business, là. Elle me ronge depuis des années. Je me mets en faillite. » Là, tu commences à prendre ta business sous ton contrôle. La perte, ça fait partie de toute la game de ça. Mais si tu es intelligent, tu t'en occupes pas de la perte, comment que tu perdras de l'argent? Il n'y a rien là, tu vas en faire encore, tu vas en faire d'autres demain, parce que l'intelligence créative, elle continue en toi. Mais on ne réalise pas ça. On s'imagine que si on perd notre business, c'est final. Tu es à sec, tu es à terre. Ça, c'est une illusion. Puis cette illusion-là est mise dans notre esprit même. L'illusion, on l'a sur le plan des affaires, puis vous l'avez aussi sur le plan des relations humaines. Vous n'avez eu des blondes dans votre vie, puis des chums dans votre vie, puis vous ont sacré là. Là, là, quand vous avez vécu ça, là c'était la fin du monde. Là vous étiez capoté net, là. Hein? La grosse tristesse. T'sais. Le grand désespoir. La dépression, les femmes. Hein? Tout. Là, c'est noir. Vous avez la vie en noir. Puis après ça, ben, il y a un autre cheval blanc qui arrive. C'est plein de cheval blanc dans le monde. Mais dans... Dans l'expérience, on ne les voit pas, les chevaux blancs. On voit que des chevaux noirs. On voit des gars, ils ne sont pas assez cute, ils ne sont pas assez beaux, ils ne sont pas assez ci, ils ne sont pas assez ça. T'sais. On est des êtres qui sont constamment niaisés. Les hommes, on est constamment niaisés, puis le pire, c'est qu'on se laisse constamment niaiser. Fait qu'on est constamment niaiseux. L'homme, faut que l'homme contrôle son propre bilan de vie. Si tu as des problèmes, il faut que tu les élimines toi-même, tes problèmes. Faut pas que tu attendes que la vie les élimine. La vie, elle va t'étirer ça, elle va t'étirer ça, elle va t'étirer ça. La première chose que tu sais, c'est que ton cœur qui débarque. Après ça, c'est tes reins. Puis après ça, c'est ton foie. Puis après ça, c'est ta rate. Il y en a de l'énergie dans la vie, chose. Fait qu'ils vont, faire éliminer ça petit à petit. La première chose que tu sais, t'es gris, t'es vert, tu portes des lunettes, t'es tout croche. Parce que t'as eu l'espérance que ton problème se résoudrait. Sacrement. Fait que là, tu retournes de l'autre bord, Charlie, pis tu regardes tout ça, tu vois les erreurs que t'as faites, tu vois les conneries, pis là, tu dis, bon, mais je replonge encore. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Une autre incarnation. Pis ça marche demain. On est des vrais poissons. Pas des requins, des poissons. La vie, il faut que ça se dompte, la vie. Puis c'est l'homme qui dompte sa vie. Il faut qu'on la dompte nous-mêmes, notre vie. Mais il faut avoir les reins forts. Il faut avoir le cœur fort puis la rate forte. Autrement dit, il faut être en santé. Autrement dit, il faut avoir du guts. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur de perdre. Parce que c'est impossible pour un homme de perdre dans la vie. Quand il se sert de son intelligence réelle, c'est impossible. C'est impossible. C'est absolument impossible pour un homme de perdre dans la vie quand il se sert de son intelligence réelle. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi est-ce qu'on perd dans la vie? C'est parce qu'on ne sert pas notre intelligence réelle. C'est pas parce qu'on fonctionne avec intelligence réelle qu'on perd dans la vie. Il n'y a pas un homme qui peut perdre dans la vie s'il fonctionne avec son intelligence réelle. C'est impossible. C'est anti-vie. C'est impossible. C'est tellement impossible que c'est impossible. Mais on ne comprend pas ça. Puis on ne réalise pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est plongé dans des situations, des vrais cafarnaums, ces situations-là nous amènent petit à petit ceux qui ont les reins assez forts pour en arriver éventuellement à vivre le mur, puis un jour tu vis le mur, puis la vie t'amène, t'es chanceux, t'es, vous êtes chanceux en maudit si vous, la vie vous amène au mur. Si la vie vous amène au mur, si vous en arrivez un jour à être au pied du mur, là, vous êtes plus capable de voir être clair, vous êtes chanceux. Parce qu'après ça, quand vous allez l'avoir pété le mur, là vous allez voir être clair en enfant de chienne. Mais si vous n'êtes pas arrivé au mur, à ce moment-là, vous n'êtes pas aussi chanceux que les autres. Vous n'êtes pas aussi chanceux que les autres. Votre vie est trop facile. Si elle est trop facile, automatiquement, vous ne pouvez pas avoir autant d'intelligence réelle. Vous pouvez être bien, vous en ferez de tous les semaines, mais qu'il ne vous tombe pas quelque chose sur la tête qui est trop raide parce que vous avez capoté net. Mais ceux qui auront vécu le mur, ceux qui vont vivre le mur dans les années à venir, je vous en souhaite tout un mur. Ceux qui vont le vivre le mur, après ça, vous allez être bien. Là, vous allez savoir qu'est-ce que c'est mettre la hache d'un problème. La mettre en banqueroute, t'as faillite. La mettre en banqueroute, t'as faillite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La mettre en banqueroute, t'as faillite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, mais c'est ça que j'essaie de comprendre, parce qu'il faut y comprendre quand tu parles, là. La mettre en banqueroute, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire, regarde, ils sont subtils, les chiens. Ça veut dire banqueroute, banque. Banque, route. Ça veut dire la mettre en route, tu vas à la banque après. Faut y comprendre quand tu parles. C'est subtil de même l'intelligence, Charlie. C'est subtil de même. Puis le garde des Juifs sont en banque là tout le temps. La logique, c'est très dangereux parce que ça a du bon sens. C'est justement pourquoi c'est dangereux, la logique, parce que ça a du bon sens. Mais qu'est-ce que c'est du bon sens? C'est ce qui nous convient à nous autres, pas ce qui convient à notre intelligence. Du bon sens, c'est ce qui convient à notre intellect, puis à notre émotion, à notre personnalité. Pas à notre personne, à notre personnalité. De l'intelligence, c'est ce qui convient à notre personne. Puis on vit de bon sens. Puis on s'imagine que quand on a du bon sens, on vit. On vit pas, on existe. Moi, quand je vous dis que l'homme doit vivre dans la vie et n'avoir aucun problème, je dis deux choses. Je dis qu'un homme ne peut pas vivre avec un problème, vivre réellement, parce qu'il est trop sensible. Puis deuxièmement, que l'homme ne peut pas être créatif s'il y a un problème, parce que son énergie est sapée. Alors, s'il n'est pas créatif, l'homme, il ne peut pas se développer une vie plaisante, puis une vie abondante, puis une vie qui fonctionne constamment 24 heures par jour. Fait que c'est bien subtil l'affaire d'avoir du bon sens. Bien subtil. On a des opportunités dans la vie, et si on voit très clair, si on les voit ces opportunités-là, on grandit énormément. Si on ne les voit pas, ces opportunités-là, on diminue, puis on diminue, puis on diminue, puis on diminue. Parce que tous les problèmes qu'on a dans notre vie sont des opportunités pour nous autres, les hommes, de dépasser notre personnalité, de dépasser notre vision des choses, qui est subjective, pour avoir et développer et vivre une vision des choses qui est objective, qui fait partie de notre intelligence. Alors, nos problèmes dans notre vie sont essentiels. Puis un jour qu'on les a tués, ces problèmes-là, ben, on est dans notre vie, à ce moment-là, il n'y en a plus de problèmes. Il n'y en a plus. Puis une façon très précise de résoudre un problème. Si j'allais dans la salle, puis je dirais, t'en as-tu des problèmes, puis vous me diriez votre problème, je pourrais vous dire, ben, je ne dis pas que je vous le dirais, mais je dis, je pourrais vous dire que ton problème, pour le résoudre, pour le tuer, il faut que tu fasses telle chose. Puis vous verriez que vous ne voyez pas. Vous ne le verriez pas. Parce que la façon dont opère l'intelligence, ce n'est pas la façon dont opère notre common sense, notre bon sens. On dirait des fois, c'est totalement, c'est diamétralement opposé. C'est inouï le fossé entre l'intelligence réelle et notre bon sens. C'est inouï. Et c'est justement ça qui crée puis ça, c'est proportionnel au fossé qui existe entre la cinquième race et la sixième race. Il est inouï, le fossé, je comprends. Parce qu'on fonctionne sur deux longueurs d'onde différentes. Quand vous avez des problèmes, vous devez vous méfier des solutions. Vous méfiez des solutions que vous voyez. Mais dans le fond, ce n'est pas des solutions que vous voyez. C'est des solutions que vous déterrez. C'est différent. Puis laissez-moi vous dire que les gens en ont une capacité de déterrer des solutions. On est des vrais ratons laveurs. C'est difficile pour nous autres de voir que le bon sens, c'est pas de l'intelligence. Parce que le bon sens, pour nous autres, c'est ce qui est le plus près de ce qu'on pense être de l'intelligence. C'est ce qui est le plus près. Quand je dis qu'il faut qu'on se méfie, il faut qu'on se méfie des solutions qu'on va chercher dans la terre, dans notre personnalité, dans nos émotions, dans notre intellect. Je sais ce que je veux dire. Parce que ces solutions-là ne conviennent jamais à une réalité qui serait nôtre après. Ça convient toujours encore à la même situation expérientielle. Il faut qu'on sorte de l'expérience. Il faut que l'homme sorte de l'expérience. Il faut que l'homme en arrive à ne plus vivre d'expérience. Et les problèmes sont directement liés à l'expérience humaine. Mais pour en arriver à sortir de l'expérience, il faut en arriver un jour à être capable de détruire, de tuer complètement la vibration d'un problème pour que le lendemain, quand tu l'as fait l'action, tu te sentes régénéré et libre. Là, je vous donne une explication suffisamment vaste pour la résolution des problèmes. Je ne vous dis pas que les problèmes se résolvent tous de la même façon, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent être résolus avec du bon sens. C'est pas réellement de ces problèmes-là que je parle. Moi, je parle des problèmes là qui vous font réellement souffrir énormément, qui sapent votre énergie et qui ont fermé les fenêtres dans votre esprit, de sorte que vous ne voyez plus de porte de sortie. Ce sont ces problèmes-là. Tant que vous avez des fenêtres et que vous avez des portes de sortie, ça marche. Vous pouvez prendre votre bon sens. Mais quand vous êtes arrivé là, que ce n'est plus comme les deux portes là-bas, les deux fenêtres là-bas que vous voyez, mais que c'est un mur qui est plein de même, là. C'est à ce moment-là que vous êtes obligé de considérer de tuer le problème dans l'œuf. Fait que selon les problèmes que vous avez dans votre vie, vous pouvez juger de vous servir de votre common sense, si c'est des problèmes qui sont comme ceux-là, où il y a une petite porte, il y a une petite fissure. Mais si c'est des problèmes comme ça, puis que vous essayez de vous servir de votre common sense, il est trop tard. Il est trop tard. Ces problèmes-là sont des événements dans votre vie qui servent à la transmutation de vos corps. Ces problèmes-là sont simplement des erreurs psychologiques que vous avez faites dans votre vie. Puis c'est réellement à ces problèmes-là que je m'adresse. Où il n'y en a plus de porte de sortie. Puis où vous continuez à gratter dans terre, puis gratter dans terre, puis gratter dans terre pour trouver des solutions. Il n'y en a pas de solution. Puis ça sent un problème qui n'a pas de solution. Ça sent un enfant de chienne, un problème qui n'a pas de solution. Un problème qui n'a pas de solution, ça se sent. Il est assez gros le problème qu'il n'y a personne pour vous aider, il est trop gros. Un problème qui est petit, ça se résout. Mais un problème qui est trop gros, ça ne se résout plus. Puis il y en a des problèmes dans la vie qui sont trop gros pour les gens. Mais ils sont pas trop gros. C'est que les gens ne savent pas comment les attaquer. Quand tu as un ennemi qui est trop fort, il n'y a qu'une façon de t'en débarrasser. Pas le taponner, tu le tues. Mais on a peur de tuer nos problèmes. Parce qu'on a toujours le regard un petit peu dirigé vers la petite fissure là-bas. Puis ça, j'appelle ça de l'espoir. De l'espoir. Qu'est-ce qu'ils disent dans la région catholique? La charité, comment est-ce qu'ils appellent ça? L'espérance. Il y en a d'autres, hein? L'amour, l'espérance. Écoute bien ça. L'amour, hein? Vous les connaissez bien, ceux-là, vous, hein? La foi, l'espérance, la charité. C'est qui a retenu de ça? Ça, c'est les trois fondamentales. Puis il y en a sept autres pour les compléter. La foi, l'espérance et la charité. La foi, si on le met à terre. L'espérance, on en parle. Puis la charité aussi, on en a parlé. Hey, c'est quelque chose, cette affaire-là. C'est de la colle. De bonne colle. Puis on s'est tout fait coller dans le passé. Là, on commence à décoller. Mais la dernière des colles, c'est l'espérance. Ça, on a encore de l'espérance. Il y a une différence entre l'espérance et l'espoir. L'espérance, c'est quand tu as encore des petites fissures là-bas. L'espoir, c'est quand tu n'en as plus. Ouais, si un homme peut vivre d'espoir. C'est effrayant, vivre d'espoir. Tout d'un coup, ça vient pas. T'es foutu. Qui c'est que tu vas blâmer le bon Dieu? La Sainte Vierge, Saint Christophe, Sainte Cunégonde? L'homme est à un âge où il doit se dissocier complètement de sa psychologie. Complètement de sa psychologie. Pour rentrer dans son psychisme. Pour développer son psychisme. Il n'y a pas de prix qu'on peut mettre au développement de notre psychisme. Il n'y en a pas de prix. C'est notre vie, notre psychisme. Pas de prix. Business, pas de business. Pourquoi les gens matérialistes ne peuvent pas évoluer? C'est à cause de ça. Ils ne sont pas capables de transférer, d'éliminer leur matière qui donne naissance à leur psychologie. Bon, ne demandez pas à ces gens-là de devenir, de développer du psychisme, autrement dit de l'esprit. C'est pas grave. Ils veulent bien, ils trouvent ça bien beau. Si tu vas voir avec ça, ils vont dire, voyons, descends en terre, toi, là. Puis ils ont raison, de leur point de vue. Ça a du bon sens. C'est quand ça va bien mal dans leur vie, là. Puis là, ils sont obligés d'en développer un petit peu de psychisme. Puis ça, ils sont pas capables, mais ils se suicident. Ils perdent leur fortune, puis ils se font sauter. Ils perdent leur femme, puis ils se font sauter. Des crises d'amour. Si tu me lèches, je me suicide. Vraiment, ma femme me dit ça. Je suicide toi. C'est pas l'enfer à toi, pas la mienne. Là, elle dirait dans sa tête, ah, il n'est pas intéressé que... Ça vaut pas la peine, c'est pas plus intéressé que ça, tu sais.